Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors que la planète foot pleure Diego Armando Maradona et que la question de la semaine semble être « Va-t-on pouvoir faire ses achats de Noël et dépenser tout son fric ?» Transmission résiste encore et toujours et continue de placer le cinéma au centre. Bienvenue donc à la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Je suis toujours bien entouré avec mes fidèles acolytes alcooliques ou presque Monsieur Manuelas. Comment ça va Manu ? Mais très bien, et toi Julien, comment tu vas ? Magnifique, et monsieur Lucien Alflans, comment ça va à Liège ? Ça va fort bien, et vous ? Tu as l'air en pleine forme en effet, d'accord, ça va très bien, merci. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons fouillé les plateformes pour pouvoir vous proposer deux films aujourd'hui au programme. Nous commencerons avec Bronx d'Olivier Marshall, qui est disponible sur Netflix. Et ensuite, Fireball, Visitors from Darkest World, pour le nom complet, mais on va rester sur Fireball aujourd'hui. C'est un documentaire de Werner Herzog qui est disponible sur Apple TV. Alors, justement, j'ai préparé un petit quiz. Vous qui avez une grande faim de jeux et de questionnaires cinéma en tous sens, vous pouvez travailler par deux. À la question, maîtrisez-vous votre Werner ? Je vais vous demander simplement, pour commencer, vous pouvez donc vous aider de citer trois films, si possible, qu'il réalise dans les années 70, les 70s. À vous. Aguirre, La colère de Dieu. Ouais, hein. Fitzcarraldo. Fitzcarraldo est en 82, mais les deux autres sont corrects. Est-ce qu'on a un petit encore dans les 70s ? La balade de Bruno. La balade de Bruno, bonne réponse de Lucien Alflans. Ah, c'est terrible, on se croirait aux grosses têtes. Et ensuite, encore pour rigoler, est-ce que vous avez deux films de Werner Herzog dans les années 2000 ou trois si vous voulez vraiment briller ? Je vous écoute. Alors, Grizzly Man. Est-ce qu'elle a la Nouvelle-Orléans, les remakes de Bad Lieutenant de Ferrara avec Eva Mendes et Nicolas Cage ? Le remake de Ferrara, Bad Lieutenant, escale à la Nouvelle-Orléans. Bonne réponse des deux acolytes. Bravo à vous. Bon, très bien. Eh bien, accrochez-vous, on va démarrer à plein turbo, à pleine vitesse et en action avec Bronx. Je tenais également à remercier monsieur le maire de la ville de Marseille et à ce titre, je me dois de féliciter chaleureusement l'ensemble des effectifs de la BRI de nous honorer de leur présence pour la célébration qui est l'arrivée d'un nouveau grand patron de police dans une ville comme la nôtre. Une ville que nous adorons, mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers. Depuis quand tu mens ? On est tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup-là. Réalisateur de 36 Quai des Orfèvres en 2004 ou de Carbone en 2017, l'ancien policier Olivier Marshall revient visiter avec Bronx un univers qu'il connaît très bien, une brigade de police qui voit Vronsky et Costa, deux chefs de groupe rivaux au sein de la même police, qui sont chargés de l'enquête d'une tuerie orchestrée par le clan Bastiani. Au casting, on retrouve Lannick Gaudry, Stanislas Mérard ou encore le rappeur Caris. Et dans de plus petits rôles, on retrouve aussi Gérard Lanvin, Jean Reno ou encore Claudia Cardinal. Manu, je vais te lancer. Qu'as-tu pensé de Bronx d'Olivier Marshall ? Déjà, peut-être en préambule, un peu comme on l'avait fait pour le film d'Aaron Sorkin la fois passée, il faut rappeler que ce n'est pas vraiment un film à proprement parler Netflix. C'est une production Gaumont qui a été récupérée par Netflix du fait de la difficulté aujourd'hui de sortir un tel film en salle en pleine pandémie Covid. Après, une fois qu'on a dit ça, et je vais peut-être être le seul autour de la table ou du moins derrière mon écran à penser ça ce soir, parce que je ne sais pas du tout quel est l'avis de mes petits camarades sur le cinéma de Marshall, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de malentendu autour du cinéma d'Olivier Marshall, qui est souvent un petit peu, on va dire, dédaigné par la critique, qui le résume souvent un petit peu à ses punchlines, à ses grosses bagnoles, la dépression, l'alcool, une sorte un peu d'image d'épinal ou de décorum qui constituerait ses films, alors que je n'ai pas l'impression qu'on s'embarrasse de ce genre de questionnement quand on aborde d'autres cinéastes auteurs, puisque Olivier Marshall signe lui-même les scénarios de ses films, et on ne va pas avoir ce genre de positionnement autour du cinéma, et sans aucune comparaison artistique, autour du cinéma de Melville par exemple, qui était pourtant un cinéma sous haute influence, à la fois américaine et asiatique. On ne va pas adresser ce genre de reproche à John Woo, son style hyperbolique, ses gunfights. Alors oui, on peut regretter effectivement que depuis 15 ans, le polar français n'a pas réussi à s'émanciper du cinéma de Marshall, mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il soit le principal responsable de ça. Alors après, c'est vrai, on va pas se mentir, Branks c'est un peu un Marshall au carré. Donc si vous êtes déjà pas client de son cinéma, il y a peu de chances que ce soit le cas ici. Même si, à mon sens, son cinéma, il a quand même évolué, il a muté depuis les Lyonnais. C'est vrai qu'avec le succès de 36 Quai des Orfèvres, on pouvait trouver que son cinéma était un peu tombé dans une forme de caricature, ou plutôt une forme de misanthropie, du moins, particulièrement dans MR73 et surtout dans Braco. Et qui a beaucoup, à mon avis, joué dans la caricature qu'on se fait du cinéma de Marshall, avec des antagonistes qui étaient souvent assez caricaturaux. Mais justement, depuis Les Lyonnais, j'ai le sentiment qu'en se posant la question de filmer non plus le monde des flics, mais celui des truands, le flic ici devenant l'antagoniste, c'est quelque chose qui a un peu libéré le cinéma de Marshall et qui me semble aujourd'hui beaucoup moins centré sur lui-même et plus ouvert sur ses personnages, sur leur humanité à fleur de peau. Je dirais pas qu'il est passé de la cavalerie aux Indiens, mais ça a vraiment participé à une sorte de mue dans son cinéma. Mais après, pour en revenir à Branks et ce rapport justement au personnage, il faut préciser que c'est un film extrêmement dense, avec un casting, comme tu l'as dit, Julien, très fourni, qui mélange, comme toujours chez Marshall, les habitués, la vieille école et une nouvelle génération. Il y a vraiment un soin autour du casting et vraiment une volonté d'éclectisme que l'on retrouve assez peu dans le cinéma français. Et à ce propos, je trouve que le film s'ouvre sur peut-être une des plus belles scènes que nous est donné à voir le cinéma de Marshall. Cette scène où le personnage de Lannick Gaudry détourne le convoi de police qui dirige pour emmener Lanvin à l'hôpital, et qui se conclut sur une scène d'adieu qui est assez bouleversante et je trouve extrêmement juste dans la manière dont elle est écrite, interprétée et mise en scène. Une scène en plus qui dessine un petit peu tout le parcours du film, ce rapport compliqué qu'ont les personnages à concilier à la fois leur vie, leurs principes et justement leur métier. Donc à la fois, c'est un film où on retrouve tous les tropes du cinéma de Marshall, c'est un film de Marshall à 100%, mais qui reste toujours très juste, à mon sens, dans l'émotion et dans le trajet de ses personnages principaux. Mais juste pour rebondir, après je laisse la parole à Lucien, mais j'ai trouvé aussi cette scène d'hôpital très belle, mais je n'ai pas réussi à la raccrocher au reste du récit. Je suis absolument d'accord avec ça, moi. Donc c'est une question, Manu, je reviendrai sur les qualités du film après aussi, mais je comprends pas comment il raccroche les wagons avec cette scène. Mais pour moi, c'est un peu ce qui constitue les deux facettes du personnage de Vronsky, là, le personnage principal, c'est que d'une certaine manière, dans ces deux confrontations qu'il a avec Lanvin, dans ces deux confrontations, il y a question de droit de vie et de mort, justement. Mais là où, justement, dans la première, il révèle toute la part d'humanité de son personnage, dans la seconde, il en révèle aussi toute la noirceur, puisque dans la seconde, il condamne littéralement vraiment un homme à une mort certaine, et dans les deux cas, il agit en dehors du code de procédure. C'est en effet exactement comme ça que je l'ai vu. Je suis... Alors moi, j'ai trouvé assez peu de qualité au film, mais cette scène post-générique dont parlait Manu plus tôt, je l'ai trouvé vraiment très jolie, et peut-être justement que ça a joué en la défaveur du film qui en a découlé. Maintenant, j'ai aussi eu un peu l'impression, j'irai plus loin que Julien, qu'en fait, ce personnage de Gérard Lanvin, que j'ai trouvé bien, contrairement à beaucoup d'acteurs dans le film, c'est un personnage pivot qui ne sert en effet qu'à amener ces deux scènes, ou presque, ces deux scènes qui en disent un peu long et qui mettent un tout petit peu d'ambivalence dans ce personnage principal, et c'est bien le seul parmi les flics qui sont en effet deux scènes intéressantes sans lesquelles, pour moi, le film filerait un peu droit dans un amas de clichés, en fait, qui ne pourrait à aucun moment faire dévier les personnages de leur trajectoire et peut-être proposer ces qualités de caractérisation dont parlait Manu plus tôt. Alors, on en a déjà discuté avec Manu, j'ai un peu du mal avec le cinéma d'Olivier Marshall, même si 36 Quai des Orfèvres, voilà, parce que probablement parce qu'Auteuil est Depardieu, et que, en fait, j'ai surtout beaucoup de mal avec l'écriture des dialogues, principalement chez Marshall, et je trouve que quand on a des gens comme Auteuil et encore plus Depardieu qui mettent ces dialogues en bouche, ça prend tout de suite une autre épaisseur. Ici, souvent, j'ai quand même vraiment du mal à y croire. Après, je trouve quand même qu'il y a des belles idées. Hein. Je parlais en effet de la belle idée qui est tenue, je vais dire, c'est en effet cet écart de route en tout début de film avec Lanvin qui va retrouver sa femme mourante, qui est vraiment une très très belle scène, très très émouvante d'emblée. La descente en pleine cérémonie d'enterrement dans une église, je trouve ça, elle marche pas tout à fait, mais je trouve l'idée excellente. Même des petites choses, comme il y en a plusieurs pendant le film, une course-poursuite à poil, enfin ce genre de trucs sont des bonnes idées, mais je trouve qu'elles sont jamais bien exécutées. J'ai vraiment du mal avec les scènes d'action et les trajets, ça dès le départ, hein. Sur le trajet qui amène, où ils font cet écart de route pour amener Lanvin à l'hôpital, il y a un surdécoupage totalement inutile. Il y a au moins 6 plans sur 2 bagnoles et on te filme tout le trajet là où la bagnole se gare, la bagnole tourne à gauche, la bagnole tourne à droite. Tu te dis un peu, mais bon, à quoi ça sert ? Ben ça, pour le coup, Lucien, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est justement quelque chose, à mon sens, qui me manque beaucoup dans le cinéma de genre français. C'est justement cette fétichisation des corps, des mouvements. Et je trouve que c'est quelque chose qui pêche souvent dans le cinéma de genre français, qui est beaucoup dans une retenue vis-à-vis de ça, alors que la fétichisation au cinéma, c'est vraiment une grande dominante du cinéma de genre en général. Et je trouve qu'à contrario, justement, quand tu parles justement de ce découpage autour des voitures, il y a aussi tout ce plan assez simple en apparence, où il rentre dans les voitures, où la caméra fait un va-et-vient entre les personnages. Il y a pour moi un vrai plaisir chorégraphique dans ce plan-là, dans la manière d'agencer à la fois les déplacements des personnages et de la caméra. C'est une manière toute simple de créer de l'action à partir de, on va dire, de presque rien. Et pour moi, il ne se réfugie pas derrière une mise en scène un peu minimaliste et naturaliste, un peu plombante, qui est un peu souvent l'apanage du cinéma français. Je suis absolument d'accord avec ça, du fait que ça manque au cinéma français et que du coup de le voir dans un film en soi, c'est plaisant. Le problème, c'est que d'abord, Marshall y maîtrise quand même très moyennement, et surtout c'est qu'il en fait beaucoup trop, un peu que c'est, je sais pas, son côté réactionnaire justement au climat du cinéma français. Il se dit bon, on voit jamais ça dans le cinéma français, du coup moi je vais le faire 4 fois plus que les autres, avec ce manque de maîtrise. Alors oui, quand John Woo en fait 4 fois trop, mais c'est John Woo. Enfin, tu vois, je veux dire, Olivier Marshall, c'est pas John Woo. Ben, je pense pas qu'ils se prennent pour John Woo. Il y a quand même pas plus différencié que comme type de cinéma. Ces scènes d'action, pour moi, elles sont plutôt assez sèches. Il y a vraiment aucune volonté d'emphase ou lyrique dans ces scènes d'action. Elles vont vraiment droit au but. Il y avait peut-être ça à l'époque dans 36 Quai des Orfèvres, notamment avec la mort de Daniel Duval. Mais là, on n'est vraiment pas dans la même esthétique. On est dans une esthétique beaucoup plus brutale. Ben, c'est brut, mais c'est aussi totalement illisible. Je pense à la descente qu'ils font dans cette espèce de petit bar au bord de la mer. Là. Il fait des sauts d'axe au milieu d'un duel, mais du coup, tu sais même plus. T'as un duel d'une personne face à face, tu sais plus qui est qui. Il y a des gens. Enfin, moi, je comprenais rien à ces scènes-là, vraiment. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que autant je peux avoir une réserve sur des grosses scènes d'action qui intervient au milieu du film et dont on parlera plus tard, parce que je pense qu'elle est assez problématique. Autant moi, cette scène de fusillade dans le bar, je la trouve justement qu'elle est déjà extrêmement bien installée, parce que justement elle joue avec une certaine ambiguïté qu'il peut y avoir entre les flics et les voyous et la frontière qui peut les séparer. Avec notamment toute cette scène d'attente avant la fusillade qui est montée en parallèle avec la scène d'intronisation du personnage de Jean Reno. Ça joue beaucoup sur cette ambiguïté-là pour faire monter la tension. Donc déjà, c'est, d'un point de vue narratif, moi je trouve que c'est une scène qui est assez réussie. Et après, du point de vue de l'exécution pure, ben, j'ai pas du tout trouvé moi ça illisible. Hein. Il y a effectivement une logique de chaos puisqu'il s'agit d'une attaque brutale et assez sanglante. Mais pour moi, il y a toujours une volonté de lisibilité. On n'est pas dans un plaisir chorégraphique qu'on pourrait avoir dans un pur film d'action. Mais justement, parce que la forme, elle cherche à coller justement au ressenti et à la narration, à savoir une attaque brutale, on n'est justement pas dans une jouissance de l'action, et je pense que pour le coup, c'est assez volontaire. Ouais, mais moi, j'ai quand même besoin qu'à certains moments, quand le mec qui se fait tirer dessus à droite d'un plan se retrouve pas à l'extrême gauche du plan suivant, ou même des raccords dans l'axe, mais avec juste des incohérences. On n'a peut-être pas vu la même scène, mais moi, dans cette scène-là, ça m'a frappé à plusieurs moments. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? J'ai pas besoin que tous les cinéastes qui filment une fusillade s'appellent John Woo ou Michael Mann, hein, mais j'ai quand même besoin d'un minimum de tenue, quoi, simplement pour que je puisse comprendre ce qui se passe. Sinon, je sors du film direct. J'ai pas l'impression, en tout cas je pense pas qu'on ait vu le même film là pour le coup, parce que je trouve que Marshall quand même se situe dans le haut du panier dans ce domaine là dans le cinéma français probablement. Alors ok, il joue sur la notion de chaos, mais à mon sens c'est pas pour autant qu'il découpe n'importe comment cette scène. Je trouve pas du tout que la scène soit illisible, et je suis pourtant assez sensible à ces questions là pour moi c'est une scène qui est tout à fait en accord avec ce qu'elle raconte, qui a pour but de déstabiliser. Après c'est vrai que ça fonctionne à mon sens beaucoup moins bien dans la grande scène d'action de nuit, qui est peut-être la scène d'action qui se voudrait la plus manienne. Là aussi, il y a une logique narrative de te perdre dans l'action, tout comme les personnages. Mais dans mon sens, ça fonctionne beaucoup moins bien parce qu'il y a la partie pris esthétique qui n'est pas tenue jusqu'au bout. Il y a une sorte de manque de radicalité qui l'empêche vraiment de dépasser la note d'intention. Elle est même presque explicitée par les personnages. Ce sentiment de perdition est presque explicité par les personnages dans le film. Oui, mais le problème moi, que j'ai avec cette scène, c'est qu'au final, je trouve qu'elle manque un peu de radicalité. Elle voudrait capter justement ce sentiment d'urgence, de chaos au sein de la nuit avec ces personnages qui n'arrivent plus à se situer les uns par rapport aux autres. Mais j'ai l'impression que c'est une scène qui a été tournée de jour et non pas de nuit. Elle me fait l'effet d'une nuit américaine en plus assez hideuse, pas très élégante. Mais pour le coup, je n'ai pas du tout le sentiment d'urgence qu'il devrait y avoir dans cette scène-là. Je reviens sur ce qui a été dit sur la distance par rapport à ces scènes et j'avais l'impression que dans ces scènes d'action, il y a quand même une sorte de pudeur. Alors le mot est peut-être un peu étrange, mais justement, c'est ce que disait Manu, c'est que il va jamais chercher à l'esthétiser et à la sublimer. Moi, du coup, ça m'a parlé. Je vous rejoins sur plusieurs points en fait, mais qui sont différents et sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Enfin, la violence, etc. On l'a. Elle est très très nette, très brute. Elle fonctionne très bien, je trouve. Mais j'ai comme l'impression que aujourd'hui, avec le contexte policier, les bavures, les problèmes, etc., j'ai comme l'impression que c'est un film qui date aussi déjà d'une dizaine ou quinzaine d'années, et que le trajet des personnages entre eux, ça a été dit par petites touches, machisme et une certaine misogynie, une certaine virilité toujours exacerbée, me pose un peu problème par ailleurs. Moi, j'ai justement trouvé que c'était peut-être le point que j'ai trouvé le plus positif au film. Je vais le dire d'une manière légèrement teintée d'ironie, mais le film montre assez bien à quel point il faut être bas du front pour être ou flic ou gangster. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est presque un propos de... En fait, tant tous les personnages du film baignent dans un manichéisme rance et stérile et une vision du monde... celle de Marshall, j'imagine, j'en sais trop rien, totalement passéiste et sclérosé. Au final, ouais, c'est pour moi un film qui fait du bien là-dessus, dans sa manière de montrer aussi l'envers d'un décor testostéroné au sein duquel personne ne se pose jamais les bonnes questions, en fait. Oui, mais c'est parce que, à mon sens, c'est des personnages qui ont passé un peu trop de temps à se mentir, au point de ne plus jamais arriver à concilier à la fois leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est justement, je trouve, assez visible dans les relations avec les femmes, notamment, je pense au personnage de Cataphilo et de la femme d'un de ses collègues, et qui justement ne va pas arriver à protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez tous les personnages, puisque c'est un des ressorts dramatiques autour du personnage de Jean Reno et de la manière dont il est relié à la pègre, mais aussi celui de Vronsky et celui du personnage interprété par Catherine Marshall. Oui, mais justement, regarde la gestion qu'en fait Mann dans Miami Vice ou dans Heat, justement, d'un rapport qui est vraiment très très semblable. De personnages qui sont extrêmement instinctifs, qui ne fonctionnent que par ça, que par la vitesse à laquelle ils avancent, que dans leurs relations aux femmes qui sont extrêmement... qui ont une vision du monde qui est assez manichéenne, une vision de la relation de couple et des femmes qui sont quand même extrêmement machistes. Mais le traitement qu'en a Mann dans le personnage de De Niro ou même celui d'Al Pacino, d'ailleurs pour des raisons très très différentes dans Heat, sont absolument fascinants là-dessus. Moi je trouve que Heat est un grand film aussi là-dessus. Le personnage de Sonny Crockett dans Miami Vice, tout comme Ricardo... pareil, sont des personnages qui portent, c'est pas les personnages eux-mêmes, mais des personnages qui servent à porter un discours là-dessus, ce qui n'est jamais le cas dans aucun film de Marshall. C'est un peu facile de prendre Mann pour rabaisser autant Marshall. Oui, Marshall, il s'est jamais caché de son admiration pour le cinéma de Mann, mais bon, j'ai aussi l'impression qu'il s'en est affranchi depuis quelques années et qu'il fait aujourd'hui son cinéma. Bah, moi, je trouve que par là, il prouve le contraire. Non, mais c'est parce que s'il choisit de ne pas faire une simple copie, on n'est pas dans Internal Affairs ou chez Andrulo, par exemple. Là, il le réinvestit de son propre univers, de ses propres questionnements. Après, peut-être que ça ne te touche pas et je peux tout à fait le comprendre. Mais après, de là à ramener Mann pour rabaisser Marshall, je trouve ça assez petit et pas très élégant. Non, oui, d'accord. Je dis pas qu'il fait de la limitation. Je dis juste qu'il vogue sur les mêmes eaux, quoi. Oui, mais des avatars de hit, on en a eu des centaines pendant des années. Ah et oui, ça c'est sûr. Marshall, il sait très bien qu'il n'est pas Michael Mann, il n'est pas à son niveau, mais bon, il n'y a pas quand même beaucoup de cinéastes, à mon sens, qui sont au niveau de Michael Mann. Donc déjà, la comparaison, elle est un peu pliée d'avance. En revanche, il prend les figures de son cinéma et il les réinvestit. Donc pour moi, aujourd'hui, la comparaison avec Michael Mann, elle n'a plus vraiment lieu d'être. Je ne sais pas, je vais faire de la provoque, mais... Pour moi, c'est un peu comme si tu résumais le cinéma de De Palma et une pâle copie d'Hitchcock. C'est vrai que je pensais ça aussi. Je ne suis pas sûr qu'il faille le voir par le prisme de Mann dans des films pareils. À aucun moment, je le vois par le prisme de Mann. Je parlais d'un point précis qui est gênant dans ce film-là et qui, justement, est particulièrement fascinant dans une gestion qui est très différente, mais qui en même temps est similaire chez Mann. À aucun moment, je vois le film dans son intégralité comme une copie ou comme un à côté, un sous-Mann, comme tu dis, mais il y a quand même un... Tu ne le vois pas comme un sous-Mann, mais au niveau croche-patte, tu pourrais concurrencer certains fonctionnaires de la police française. Très bien, merci messieurs. Je crois qu'on ne sera pas tous sur la même longueur d'onde, et c'est pas grave, c'est ce qui fait la richesse du débat. Nous allons passer maintenant à Fireball de Werner Herzog. Meteorites have meaning. The task of humanity is to interpret what that meaning is. When a loved one departs this life to the next, that transition is done through this star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way. In Hindu mythology, there is this idea of cycles of creation and destruction of the universe. A meteor impact can wipe out life, but also deliver the seeds of life. Doit-on encore présenter Werner Herzog, surtout pas après les connaissances de mes deux acolytes? Alors, on l'a déjà fait un petit peu en préambule. On va continuer. Donc, ce cinéaste allemand à la filmographie longue comme le bras, réalisateur de films qui ont fait date comme Aguirre ou La colère de Dieu, Fitzcarraldo, ou encore Bad Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans. Parallèlement à ses films de fiction, il a réalisé également des documentaires avec Ennemi Intime, Grizzly Man, ou encore Into the Abyss en 2011, pour ne citer que cela. Pour son dernier documentaire ici, il s'associe à Clive Oppenheimer, un géologue britannique, pour explorer les météorites et les comètes. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un documentaire scientifique qui est quand même doublé d'une réflexion philosophique où les deux hommes vont sillonner plusieurs pays, de l'Australie à l'Inde, au Mexique, à la France, par la Norvège, et pour visiter les sites qui sont frappés par des chutes de météorites ou rencontrer des scientifiques, des profs d'université, des géologues qui vont pouvoir leur enseigner leur savoir sur le sujet. Lucien, qu'as-tu pensé de Fireball ? Ben pour nos auditeurs les plus assidus, il y en a peut-être qui se souviendront qu'en conseil, il y a peut-être quelques dizaines d'épisodes, je ne sais plus. J'avais un jour parlé de Into the Inferno de ce même Herzog, qui est un film très comparable à Fireball, même si je pense beaucoup plus tenu formellement. Mais j'y trouve les mêmes qualités et les mêmes défauts, peut-être un peu plus de défauts dans celui-ci que dans celui dont j'avais déjà parlé. Mais je suis assez client du cinéma de documentaire de Herzog. Je suis assez client de ses fictions à une certaine époque, en tout cas. En fait, je crois qu'Herzog, c'est un malade mental, un fou allié. mais vraiment, je pense que le mec est complètement fou. D'ailleurs, Ennemi Intime est absolument passionnant là-dessus parce que en traitant de sa relation tumultueuse et de la folie de Kinski, en fait, il ne fait que faire une sorte d'autobiographie et de parler de sa propre folie à lui, qui est beaucoup plus intérieure que celle de Kinski, mais qui est dévorante aussi, visiblement. Pourtant, ici, à part une petite vanne sur le fait qu'il soit bavarois, je trouve qu'il n'a pas l'air si fou que ça dans ses interventions-là. Oui, mais bon, t'as vu le film aussi. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans son esprit qui part dans tous les sens à tout moment. Et moi, ça, je trouve ça fascinant. Mais vraiment, c'est vraiment pénétrer l'esprit d'un cinéaste un peu barjot, quoi. C'est une idée en plus qui est fortement accentuée par la manière de filmer qui est à la première personne, hein, mais qui est atténuée de manière très intéressante par le fait, je trouve, que donc Herzog en fait se trouve en la personne de Oppenheimer, qui n'est pas Joshua, mais non, j'ai oublié le prénom, tu vas me le rappeler, Julien. Ouais, donc Herzog trouve un narrateur en cette personne un co-narrateur en cette personne de Clive Oppenheimer. Tu veux dire un petit peu à la manière de Clyde et Clint Eastwood dans Dodo Redon, c'est ça? Ouais, exactement. Alors que lui-même prête sa fiction si singulière à sa voix en off. Et je trouve ça assez malin, au final, d'avoir un peu... De donner un échafaudage ou une béquille à son esprit de jeune garçon fou. C'est toujours de jeune chien fou. Herzog m'a toujours fait penser à ça. Par contre, formellement, il est moins tenu que bien d'autres de ses autres documentaires, avec lesquels il partage quand même une structure et ce mécanisme de la pensée dont je parle depuis tout à l'heure. Ici, comme dans Into the Inferno, vraiment le rapport macro-micro, pragmatique, philosophique, poétique, comme ça. Et en fait, j'aime beaucoup la manière dont, au final, en partant d'un sujet bien précis, qui est... Les volcans ou bien les météorites ici, il va finir par parler de politique, par partir dans des délires politiques, par parler de philosophie, par parler de religion, par parler de gestion du monde, par parler, alors qu'en fait à la base il part d'un point très précis et pragmatique, et voilà, il s'envole autour de ça. Moi j'aime plutôt ça. Herzog, pour moi, c'est tout ça, et c'est aussi ce qu'on retrouve déjà dans ses fictions au tout début de sa carrière. En fait, Herzog, il a comme certains grands écrivains, une envie, un besoin de découverte géographique et anthropologique. Et c'est peut-être pour moi, je le dis comme ça, j'ai pas réfléchi, il doit y en avoir d'autres, mais c'est peut-être pour moi le plus grand cinéaste du voyage et de la curiosité de l'inconnu. Je le trouve super intéressant là-dessus aussi. Voilà. Après, concernant sa forme qui est un peu moins tenue, il en est très conscient lui-même. Je pense qu'il s'en fout un peu, parce que lui, ce qui lui importe, c'est de faire des films et c'est de raconter ses histoires, en fait. Parce qu'il y a même un moment où il en fait une blague au sein du film. Tu parlais de la blague sur ses origines munichoises, je crois. Mais ouais. Il mêle ça à son propre film en parlant de la conscience qu'il a de la médiocrité de ses propres cadres en faisant une petite blague. Et voilà, je pense que en effet Herzog est quelqu'un qui préfère la dramaturgie et la véracité que ses cadres contiennent plutôt que leur qualité propre. Ah, c'est marrant, parce que moi je l'ai pas du tout vu de cette manière-là, cette scène où il interrompt la conversation entre la géologue et Oppenheimer. Pour moi, ça participait justement avec l'idée que le film a tout du long de faire dialoguer ce que tu disais, ce micro et ce macro, où à un moment, ils sont peut-être en train de s'enflammer un peu sur une théorie de l'espèce, et où lui, ben justement, revient d'une manière très terre-à-terre sur ses origines bavaroises. Je l'ai plus vu, moi, en tout cas, dans cette dialectique qu'à le film d'avoir à la fois toujours les pieds sur terre, mais de regarder vers les étoiles, vers un ailleurs. C'est sûr que c'est pas juste une blague privée de sens. Après, c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus anecdotique lorsqu'il faisait une digression là sur les écoles de cinéma en commentant la vidéo des scientifiques coréens vers la fin du film, avec ce personnage à l'arrière-plan. Là, à mon sens, je trouvais ça un petit peu hors sujet. C'est une scène effectivement qui est peut-être un peu à l'image du film, qui est pas toujours très tenue. Le film, lui, est tenu vraiment dans son propos, hein, qui fonctionne par association d'idées, ouais. Un peu comme des pérégrinations au gré des pensées de Herzog, un peu comme un road movie, un voyage intérieur ou spirituel, avec des personnages vraiment plus grands que nature. Ce sont vraiment des beaux personnages de cinéma et pas juste des scientifiques. Je pense notamment à cette visite assez lunaire et réjouissante au Vatican, ouais. Tout comme ce moment qui est presque proche d'un film de science-fiction à Hawaï, là où on découvre ces deux veilleurs de nuit, ces deux héros du quotidien là, qui veille sur la Terre pendant notre sommeil. Je trouve qu'il y a toujours vraiment des idées de cinéma constamment. Il y a toujours cette idée aussi de ramener cette exploration à une échelle vraiment humaine, alors que le champ d'interrogation est assez vaste. Alors après, c'est vrai que la forme est parfois un peu hétérogène, pas toujours très harmonieuse, mais ça serait quand même un peu voir le verre à moitié vide au vu de ce que le film propose. Il y a vraiment de belles idées de mise en scène. C'est vraiment un film qui prend pas du tout le spectateur de haut. Qui a un vrai propos. C'est le film d'un auteur. Oui, ouais, tout à fait. Et qui deal en plus avec des concepts qui sont parfois complexes ou abstraits et qui arrivent justement à les rendre complètement intelligibles, à te faire comprendre vraiment les tenants et aboutissants de sa pensée, sans pour autant tomber dans un aspect assez scolaire ou académique et qui toujours se questionne. C'est vraiment un film qui se questionne constamment. Ouais. Eh ben, comme je suis souvent le non pas le plus jeune, mais le puceau de transmission, dans le sens où je suis souvent vierge de film, c'est la première fois que j'ai... C'est la première fois que je voyais un documentaire, moi, de Herzog. Pardonnez ces lacunes, mais en fait, je rejoins un peu ce que tu disais, Lucien, sur le... J'ai ressenti justement un peu ce vertige ou cette sensation de tu l'as dit avec le cinéaste des voyages et de l'exploration, c'est que je trouve assez fascinant le fait que c'est vraiment un docu, un film de curieux, de quelqu'un de passionné qui s'interroge et qui trouve beaucoup de choses fascinantes et qu'il traite avec ce désir d'apprendre. Non seulement il apprend au spectateur, mais on sent que lui et Oppenheimer, donc que les deux sont totalement curieux et ont une grande soif d'apprendre, d'avancer, de... Et ouais, je fais une mini parenthèse dans ce que tu dis, mais en fait cette soif là, elle est aussi en fait on peut la retrouver dans le fait que je crois que Herzog, il fait ses films comme il peut, quand il peut, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les qualités techniques et quels qu'en soient les modes de production et de distribution. La preuve en est que tous ces derniers films de ce type là sont distribués par Apple TV, par Netflix, etc. Ouais. Et c'est à chaque fois, je pense, qu'il prend ce qui vient. Tant qu'il peut faire ses trucs, tant qu'il peut raconter ses histoires, il fonce. Et il y a quelque chose de le mec a plus de 80 balais, je crois. C'est quand même hyper enthousiasmant, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est ce côté passionnel, obsessionnel, que je raccordais au film qu'on a cité tout à l'heure, Aguirre, Fitzcarraldo, qu'on connaît bien et qui... On reconnaît en fait les obsessions et le travail d'un même cinéaste, alors même que le sujet et que le traitement est vraiment aux antipodes de ces films de fiction. On retrouve quelque chose d'assez passionnant qui m'a intrigué. Après, sur le film en lui-même, oui, effectivement, il y a des parties décousues. Je suis pas toujours complètement dans l'image avec lui, ni avec ce qu'il cherche. Et je pense que c'est un film qui va intéresser surtout ceux qui sont intéressés de prime abord par le sujet. Je ne sais pas s'il va aller chercher beaucoup de public plus large avec un film comme ça, par exemple. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Tu sais, il y a quand même une volonté de s'adresser, à mon sens, à un public assez large, de faire preuve de pédagogie sans vraiment abandonner l'idée de faire d'un film de cinéma. Non, il est jamais élitiste, en effet. Il est même plutôt vulgarisant. Enfin, Oui, il est vulgarisant, mais pas dans son aspect péjoratif, que pour avoir un petit peu ce terme. Ouais. Il est didactique, en fait. Il y a quelque chose de faire la lumière sur des choses pas forcément faciles à comprendre. Je sais pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je comprends ce que tu ressens vis-à-vis du sujet qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, selon l'expression consacrée, Manu, avec la scène en Corée, pas en Corée, mais des Coréens, des chercheurs coréens, mais... Je la trouve assez belle, finalement, justement, dans l'émotion que ça leur procure. C'est là aussi que je parlais de passion, c'est qu'on voit à quel point ces météorites sont absolument toute leur vie et que toute leur vie est consacrée à la recherche, au travail, et que dès que quelque chose advient, c'est quelque chose d'immense pour eux. C'est assez beau. Oui, ça, c'est effectivement très beau, mais cette joie, elle est déjà présente auparavant, et toute cette curiosité des personnages, qui est une curiosité presque enfantine de tous les intervenants. Moi, je parlais plutôt de la digression que Herzog fait au moment où on voit un de ces chercheurs coréens qui s'adresse à la caméra, et au même moment où Herzog, il va un petit peu de son commentaire cinglant sur une certaine forme académique de documentaire qu'on enseignerait dans les écoles de cinéma et qui justement empêcherait une émotion un petit peu brute de surgir devant la caméra, alors que justement lui-même à ce moment-là, par son commentaire, il te sort complètement de cette émotion-là. Alors que justement, ce qui est très beau et ce qu'arrive très régulièrement à faire le film, c'est de te montrer cet enthousiasme justement de tous ces différents intervenants qui, malgré leur diplôme, leur titre enfin, sans quand même rester de grands enfants. C'est le cas du jazzman norvégien aussi. Ouais, il a le chic pour aller chercher des profils aussi. Des personnages. Le jazzman qui cherche sur le toit et l'espèce de Wyatt Earp cowboy qui s'improvise scientifique. Mais c'est assez rigolo de voir ça. Moi, il y a une chose qui est peut-être un détail, mais qui m'a plu, c'est la manière dont il utilise une musique pop avec, je pense, j'ai pas été vérifié à nouveau, mais il me semble que c'est le groupe Sigur Rós, qui va par exemple utiliser sur des images qu'on caractériserait plus de liées à une certaine mystique ou à ce genre de choses, et il va plutôt utiliser des chœurs type orthodoxes qui charrient une imagerie peut-être justement plus mystique, plus religieuse à des moments qui ne le sont pas, que je trouve intéressant et qui rajoute à ce côté macro-micro toutes ces choses avec lesquelles il aime jongler depuis quelques-uns de ses docs. Oui, et puis on rappellera aussi que même si la forme, comme on l'a dit, n'est pas toujours tenue, ça reste du pur cinéma, avec des vrais moments de mise en scène, une mise en scène souvent assez poétique. Je pense par exemple au tout dernier plan du film, qui a pour moi tout autant une valeur symbolique que poétique, avec ce feu là qui crépite en direction du ciel. Donc voilà, on a pu être un petit peu mesuré sur le film, mais ça reste un film passionnant en tout point. Eh bien, très bien, sur cette dernière intervention pertinente, nous allons maintenant passer au conseil, parce que je crois que un certain Harry a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien, avant d'aller se coucher, il est temps de passer au conseil. Lucien, qu'est-ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui ? Moi, j'ai vu un film slovaque de... Non, je blague. Je vais vous conseiller un bouquin de Dick Thomas Sowich, qui est prof à l'ULG, qui donc écrit des choses très intéressantes, dont un bouquin qui s'appelait Shot sur l'alcool au cinéma, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Celui dont je veux vous parler est moins exclusivement en lien avec le cinéma. C'est Batman, une légende urbaine, aux éditions des Impressions Nouvelles. Et en fait, ce cher Dick revient sur le personnage de Batman et sous toutes ses formes, qu'elles soient littéraires, dans les comics, au cinéma, peut-être pas au niveau des jeux vidéo, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il réinterprète toutes les versions possibles et imaginables de Batman, et entre autres à travers ses incursions dans le cinéma. C'est très intéressant, c'est très érudit. Et en plus, Dick Thomas Sowich tient aussi un podcast dont j'ai oublié le nom, mais qui est hébergé sur Radio Rectangle, radio qui nous héberge nous aussi. Voilà. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Eh bien, moi, je vais vous conseiller une petite série B produite par Jason Blum, qui a connu une sortie un peu difficile puisqu'elle devait sortir au départ aux États-Unis en septembre 2019 et qui a vu sa sortie une première fois repoussée suite aux fusillades de Dayton et d'El Paso et qui a été reprogrammée une deuxième fois en mars de cette année, en tout début de crise Covid, et donc qui a vu sa sortie plus ou moins compliquée ou du moins ajournée dans certains pays. Et donc le film, c'est The Hunt, une petite série B somme toute assez sympathique, qui se veut comme une relecture des Chasses du Kantzaroff. On en profite au passage pour vous conseiller de revoir le classique de Ernest Bischoff-Sack et Irving Pichel, qui reste une petite merveille. Ici, le film se veut dans une veine plus satirique et plus postmoderne. Il est réalisé par Craig Zobel et il est surtout écrit par un scénariste de renom, du moins un scénariste que notre cher Lucien porte en estime, Damon Lindelof. Auteur, je vais laisser Lucien le présenter. De plein de choses. Au cinéma, de rien de très notable, mais de plusieurs séries intéressantes. C'est vrai qu'au cinéma, il a une carrière un peu plus discutée qu'à la télévision, puisqu'il a quand même signé le très mauvais Prometheus de Ridley Scott, mais bon, il n'est peut-être pas le seul responsable de ce naufrage. C'est juste. Il faut aussi regarder la gueule de la filmo de Ridley Scott depuis pas loin de 20 ans. Mais il ne faudrait quand même pas oublier Tomorrowland à la poursuite de demain. Ouais. Le film de Brad Bird qui reste quand même, à mon sens, dans le top 10 des films hollywoodiens les plus intéressants de ces 10 dernières années. Mais bon, pour en revenir à Zion, donc c'est un film qui est pensé comme un survival, mais sur un mode beaucoup plus ironique que réellement horrifique. C'est un film qui adopte une forme beaucoup plus postmoderne, qui voudrait un peu déconstruire les archétypes qu'elle utilise, un peu à la manière des précédents travaux de Lindelof. C'est une chasse à l'homme qui se déroule en Europe de l'Est, autour d'une bande de rednecks américains qui se réveillent au sein d'une forêt et qui se retrouvent pourchassés par de riches américains. Le film se voudrait être une satire à la fois du complotisme, des réseaux sociaux, et jouerait à mettre dos à dos les victimes et les bourreaux. C'est notamment sur cet aspect-là que le film a polarisé le débat aux États-Unis, parce qu'on pourrait voir les victimes de cette chasse comme des avatars des électeurs de Trump, même si c'est à mon sens qu'en partie vrai, parce que le film reste quand même relativement ambivalent sur cet aspect-là, et c'est peut-être même justement une de ses limites. Parce que justement, une fois que le film a déroulé son programme plutôt ludique de déconstruction du genre pour y apposer un propos qui se voudrait beaucoup plus politique, avec un final qui tire un petit peu à la ligne et qui rappelle aussi certains écueils des travaux de Lindelof, qui peut avoir une certaine tendance à surligner son propos et son message. Mais bon, ça reste que malgré tout une série B tout à fait recommandable et suffisamment intéressante dans sa manière de jouer avec notre rapport d'identification avec les personnages principaux. Donc voilà, bah c'était en fait The Hunt, un film de Craig Zobel. Donc si vous l'avez raté au moment de sa sortie un peu mouvementée, et ben c'est l'occasion de le rattraper. Très bien, très bien, très bien. Ça donne envie, Manu. Et je vais conclure en parlant de mon autre passion, celle du football. La planète ne peut pas y échapper aujourd'hui. Et je vais concilier, donc je vais parler de Diego Maradona, vous l'aurez compris. On peut revoir notamment le documentaire d'Emir Kusturica sur Maradona, qui n'est pas forcément recommandable, mais qui a quelques scènes très belles où on voit notamment Maradona chanter. Voilà. Pour la petite histoire, quand je vois la fin du traître où le protagoniste principal de la mafia, je ne sais plus comment ça s'appelle, chante un karaoké totalement démuni, perdu, trop gros, trop vieux. Ça m'a toujours fait penser à cette image de Maradona. Mais on peut aussi revoir... Moi, ça aurait été plutôt Scarface, mais bon, c'est bizarre. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des parallèles à faire avec Scarface. Maradona est un peu le Tony Montana du football, en effet. Et on peut aussi reparler d'un film qu'on a chroniqué ici même, d'Asif Kapadia, le documentaire qu'il avait consacré aux joueurs, qu'on n'avait pas forcément adoré tous, mais qui est intéressant ouais. Justement pour comprendre un peu le personnage qui mêle vraiment un dieu, disons, enfin, on peut dire un dieu ou un esthète du football, quelque chose d'immensément élégant, de presque angélique sur le terrain, et en même temps, on fait des blagues avec Montana, mais on n'est pas loin de ça, de ses relations avec la mafia, de ses excès, de sa vulgarité, il en a fait plus d'une. Donc voilà, pour saisir un peu ce clair-obscur qui est celui de Diego Maradona. Mais je crois que ce qu'on pourra faire de plus beau, c'est regarder ses buts, les amis. Voilà, Manu, je vois ton sourire figé. Ça a peut-être aussi, Julien, à voir avec le fait que mon amour du football se résume à coup de tête et sinon après basta. Hein. Très bien, on va terminer là. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, adorer, même aduler notre page Facebook, Twitter, Tinder, etc. Et nous-mêmes. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Salut Manu, salut Lucien. Ciao. À plus.